courte sur l'asphalte, la main tendue pour un billet vert. Planté sur l'asphalte, aveuglé nu, les pieds dans ta misère. Dans ta misère, partout s'achète le soleil. Le roi système a fait merveille. Les ruines sont à vendre, mais pas mal douées. Et pour ta peau tendre, j'ai du gel à l'aloé. Oublie tes soucis, ne t'occupe de rien. Ici rien n'est gratuit, mais tout. La taverne du roi soleil, le roi système fait des merveilles. Planté sur l'asphalte, aveuglé nu, à la main, un billet vert. Planté sur l'asphalte, propre et vêtu. La main tendue.